Tu m'appelais Papou, surtout tu m'appelais, te pendais à mon cou, quand la vie t'effrayait. C'était le temps béni des cours de récré et des rues de Paris que tu découvrais. Il est toujours cruel le temps qui s'enfuit, rien n'est moins éternel que l'aurore de la vie. Mais dans ton petit cœur de femme,